Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Je me présente, Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un cours de mathématiques, à savoir la résolution d'intégrales simples. Je vous souhaite un excellent cours. Nous voulons obtenir l'intégrale x et x.